l'argent que tu veux, d'accord. Mais je voudrais faire un jeu, un petit accord. Pour chaque mèche de tes cheveux, une pièce d'or. À quoi te servirait-il encore ce duvet noir inutile le jour de ta mort? Pour chaque mèche, je te file une pièce d'or. Et tu dis quoi là? Réponds-moi oui ou pas. Dis-moi ce que tu préfères entre manger ou plaire. Décide-toi, tu vois, la vie c'est comme ça. Parfois, il faudra t'y faire, on change juste d'enfer. C'est de l'argent que tu veux, alors ne souffre plus quand il pleut, restez dehors. Pour chaque mèche de tes cheveux, une pièce d'or. Et tu dis quoi là? Réponds-moi oui ou pas. Dis-moi ce que tu préfères entre manger ou plaire. Décide-toi, tu vois, la vie c'est comme ça. Parfois, il faudra t'y faire, on change juste d'enfer. Et tu dis quoi? Réponds-moi oui ou pas. Dis-moi ce que tu préfères entre manger ou plaire. Et tu dis quoi là? Réponds-moi oui ou pas. Dis-moi ce que tu préfères entre manger ou plaire.